إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اليوم سنخوض المسألة 75 وإلى 80 إن شاء الله. بعد هذا سنراجع. On va prendre aujourd'hui la 75e mas'ala. Et une fois qu'on arrivera à la mas'ala 80, on révisera, inshallah, depuis la 40, comme c'était convenu. On fera une muraja'a des mas'ala précédentes, inshallah, pour se les rappeler. طيب. قال في المسألة الخامسة والسبعين دعوتهم الناس للكفر مع العلم. Qu'ils appellent les gens à la mécréance tout en le sachant. قال المؤلف رحمه الله تعالى دعوتهم إياهم إلى الكفر مع العلم. Qu'ils appellent des gens à la mécréance. Et cela en toute connaissance de cause. C'est ça la différence qu'il y a avec la masala précédente, qui était دعوتهم الناس إلى الضلال, qu'ils appellent les gens à l'égarement. Et la masala qui précédait, c'était les gens qui appellent à l'égarement. Et parce qu'ils ne savent pas, ils appellent sans science, ils parlent sans science. Là, ce sont des gens, ils savent ce qu'ils font. C'est différent. Ça va ensemble, en même temps, il y a des... La généralité qui est entre les deux, c'est l'appel des gens à l'égarement. Et la différence, ressource qu'il y a entre les deux, c'est que la première, la précédente, ils appellent les gens sans science, c'est-à-dire ce qu'ils appellent les gens, et comme ils n'ont pas science, ils écartent les gens. Et là, ce sont des gens qui appellent les gens délibérément et en toute connaissance de cause à la mécréance. D'accord, voilà. Alhamdulillah ta'ala. وهذا صنف آخر من دعاة الضلال وهم الذين يدعون إلى صرف الناس عن الحق مع معرفته بغيا وعنادا والصنف الأول يدعون الناس إلى الباطل وهم لا يعرفون الحق. Donc ça, c'est une nouvelle catégorie de personnes, des prédicateurs qui appellent à l'égarement. Ce sont ceux qui appellent les gens, qui les détournent de la vérité vers l'égarement en toute connaissance de cause. Et ils font exprès, ils savent très bien ce qu'ils font. Contrairement aux autres qui le faisaient involontairement. Du moins pas volontairement, mais qu'il le faisait parce qu'il n'avait pas de science. Qu'il ne connaissait pas la vérité. Et il dit, وَكِلْ سِنْفَيْنِ خَتِيرٍ. Et les deux catégories de personnes sont dangereuses. Car eux, là, ils ne disent pas aux gens, mais croyez, ou kfuru. وَإِنَّمَا يَأْتُونَ بِطَرِيقَةٍ مُزَحْرَقَةٍ ظَاهِرُهَا أَنَّا حَسَنَةٍ وَبَاطِنُهَا كُفْرٌ هَكَذَا دُعَاتِ الضَّلَالِ. Car eux, ces gens-là, ils ne disent pas aux gens, mais croyez directement, mais ils viennent avec une voix qui, elle, est embellie, une chose qui est attirante en apparence et qui, au fond, cache un mal. Comme l'a fait Iblis, là, on l'a allé avec le comte de Lot, ou plutôt le comte de Nuh, alayhi salam. Comme il a fait tomber dans l'adoration des Salihin, qui a amené au shirk, qui est la base du shirk, qui est venu par la suite dans l'humanité. Au début, il leur a juste fait croire, lorsque ces gens pieux du Qom de Nour sont morts, il leur a juste dit, faites des figurines à leur effigie, ou des images, représentez-les, pour vous rappeler d'eux, afin de pouvoir rester sur une bonne adoration. Ces gens-là vont vous motiver, le souvenir de ces gens-là va vous motiver à adorer Allah mieux qu'il, comme il se doit. Quand même, pour rester bien rigoureux dans l'adoration. Donc ça a commencé comme ça au début, juste, pour on se rappelle d'eux. Il n'y avait pas d'adoration au début. Et après, avec le temps, au fur et à mesure, Shaitan leur a fait oublier l'origine de cette cause et ils sont mis à les adorer. Donc il ne leur a pas dit depuis le début, Orbudouhum. Il ne leur a pas dit adorer depuis le début. Mais il leur a dit juste, rappelez-vous de ces gens-là pour le bien qu'ils faisaient, pour ne pas les oublier. Et au fur et à mesure, étape par étape, ils en sont arrivés à les adorer et Shaitan savait très bien ce qu'ils faisaient à ce moment-là. Donc c'est comme ça que ces gens y font. Ils viennent avec une voix qui paraît plaisante en apparence, attirante, et qui comporte un bien, et en réalité, ils t'emmènent à un mal. Nafs shay, allazi yad'una an-nas ila 'ibadati al-qubur. Allazi nafs tariqa, ceux qui appellent les gens à adorer les qubur, ils font pareil. Ils disent pas aller adorer une tombe. Ils disent, ces gens-là sont des alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah, il les aime. Prenez-les comme intercesseurs auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala pour entrer au Jannah. Akada yakoulun. Et qu'est-ce qui en découle? Que ces gens-là, c'est même les adorer. Ils tombent dans le shirk. Il n'y a personne qui va dire shirk billah ou kfur billah. Personne ne te dira cela. Ils vont toujours venir par des voies parallèles pour t'emmener à leur objectif. فقال فدعاة الكفر يدعون الناس بأصال مختلفة لا يظهر علي شيء من الانتقاد ولا يعرفها إلا أهل البصيرة. Donc il dit les gens justement qui appellent à la mécréance comme ça là, ils appellent les gens avec des procédés cachés et différents, qui n'apparaissent pas comme étant un bien ou dont le mal n'apparaît pas. Seuls les gens de la clairvoyance se rendent compte. Ce fut le cas, Shir Ibn Uzaym fut interrogé à propos justement de ces gens, des gens de El Kitab, qui aident les musulmines, qui leur envoient un tas d'aides, qui font des organismes pour les aider humanitaires, qu'on voit des biens, et kaza. Et dans le Coran, Allah dit qu'ils sont nos ennemis. Comment ça se fait? Il dit, ils sont en train de te duper, en train de te tromper. Tout ce qu'ils envoient ici, c'est pour t'avoir par la suite. Ils font pas ça pour t'aider ou pas, pour toi. Ils t'envoient tout ça pour te quoi? Pour dire aux gens, regardez, nous, on a le sur eux. Donc ça veut dire que les musulmans qui sont ignorants se mettent à croire que les koufars sont meilleurs qu'eux, car ce sont eux qui les aident, et sans eux ils sont perdus. Donc ça amène déjà ce que tu penches vers eux, et tu les penses meilleurs que toi. Et d'autre part, ce qu'ils font là, ils le font que pour par la suite t'attirer vers eux. Et en plus, comme il le dit, arrête de croire que ce qu'ils t'envoient comme marchandises, ou comme nourriture, ou comme réel zadeka, ce sont des choses, c'est ce qu'ils ne veulent pas eux. Par exemple, demain ils auront des champs de blé, avec lequel ils font de la farine, ils vont t'envoyer le genre de blé qui est le moins coûteux et qui est le moins convoité par les gens, les choses dont ils n'ont pas besoin, et t'es envoient à toi. Et comme t'as pas de tribra, tu t'en rends pas compte, tu dis, ah, mais ils sont gentils, c'est bon ce qu'ils nous envoient. Et en fait, ce qu'ils t'envoient, c'est de la basse qualité, de la mauvaise qualité. Mais cependant, ne crois pas que ce qu'ils font, c'est pas irsan pour toi. Et ça, c'est un macre pour pouvoir après venir dans ton pays, se faire passer comme des gens bien et t'attirer vers eux. Hasard. C'est pour ça que lorsque tu vois les koufars qui sont des musulmans, attention. Faut faire attention à ça. D'accord, allez. Du'at ad-dhalal ala qismayn. Qism yad'u an-nas bighayri al-'ilm, wa qism yad'u an-nas ila mukhalifati al-haqq wa huwa ya'lamuh. Wal awwal dhal wa thani fasiq. Donc il dit que les gens, les prédicateurs à l'égarement sont deux catégories. Ceux qui appellent les gens sans science, donc ils vont les égarer, et ceux qui appellent les gens à transgresser la vérité en toute connaissance de cause. Délibérément, ils le savent. Et il dit, la première catégorie sont des égarés, et les deuxièmes sont des faussaires, des pervers. Quand la mas'ala est sadisa wa sab'in. 76e mas'ala. Al-makru al-shadid l'itafbit al-shirk wa daf al-haq. Donc ils complotent durement afin de pouvoir raffermir le shirk, l'accroître et de repousser la vérité. Ils complotent énormément pour ça. Comme l'ont fait le peuple de Nour pour repousser Nour lorsqu'il est venu faire da'wah. Qala fi sharh. Kama zakara al-makru isal al-makruh bi tariqatin khafiyyah. Donc on avait expliqué que le makr, c'est le fait de faire parvenir une chose détestable par une voie cachée. C'est-à-dire faire parvenir à ton adversaire ou à quelqu'un une chose qu'il ne veut pas, et tu le fais parvenir de façon cachée. Taïeb. Faqala makr hasan wa makrun sayyi. Que le makr est de deux catégories, celui qui est bon, celui qui est mauvais. Le mauvais est celui qui amène Ashay makruh il est man yastahiqquhu. C'est le fait de parvenir justement ce mal vers quelqu'un qui ne le mérite pas. Hadha makrun sayyi. Ça c'est le mauvais makr. Celui que les koufars les font, que les gens de Dola les font. Wal makr al-hasan, c'est se faire parvenir cette chose-là vers quelqu'un qui le mérite. Tamam? Donc ce n'est pas tout makr qui est mauvais. Un makr peut être bien. Et au kamakulna, فهمت؟ والله خير الماكرين. كعلى الميه وسط جميع كومبلو. Mais ça, c'est pour ceux qui le méritent seulement. Donc, comment expliquer le macre n'est pas forcément que du mal. À la colline. قال في قوم نوح قال الله تعالى ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم إلى آخر الآية. Ils ont monté un énorme complot. Et ils ont dit ne délaissez pas vos divinités. Donc ça veut dire qu'ils ont fait en sorte que le calem de Nour soit repoussé et rejeté totalement. Et soulever les gens contre lui. Et cela pourquoi? Pour pouvoir faire perdurer le shirk. Comme un qala, wa qalu la tazarunna ahliyatakum. Et ne délaissez pas vos divinités. Fahimtum? Tout ça pour pouvoir, yani, renforcer le shirk dans lequel ils sont. Ala kadhalik fi qawm Ibrahim alayhi salam. Avec le peuple d'Ibrahim. Qala harrikuhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Ils ont dit quoi? Parce que Ibrahim a commencé à les dévoiler. Ils ont dit brûlez-le et sauvez vos divinités. Si jamais vous êtes des gens qui agissent. Qu'est-ce qu'ils ont voulu faire? Brûler Ibrahim pour sauver leur fausse divinité alors qu'Ibrahim leur a bien dit. Est-ce que vous adorez en dehors d'Allah une chose qui ni ne vous nuit, ni ne vous profite? N'avez-vous donc pas de raison? Donc quand ils ont réalisé qu'ils étaient fa'achilin, qu'ils n'avaient aucune issue, qu'ils étaient dans l'impasse, comme on dit, ils ont voulu faire quoi? On va brûler Ibrahim. Ils n'ont pas voulu accepter. On va brûler Ibrahim. Allah subhanahu wa ta'ala, وَقُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرَدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ. Donc nous avons dit au feu, soit fraîcheur et paisibilité pour Ibrahim. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a retourné leur complot contre eux. Donc le feu n'a rien fait à Ibrahim. وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَهُمْ الْأَخْسَرِينَ. Donc ils ont voulu ruser avec lui, et nous avons fait de eux les perdants. Ce sont eux qui ont perdu au final. Ça s'est retourné contre eux. وقال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوا فذرهم وما يفترون. Qu'il a dit, subhanahu wa ta'ala, dans le sens relatif approché, et c'est comme cela que nous avons fait pour chaque prophète un ennemi parmi les shayatin, les djinn et des ins, et des hommes. Que chacun inspire à l'autre des belles paroles afin de pouvoir les garer. Donc c'est comme ça que les font les gens. Ils enjolivent la voie du mal pour t'emmener au mal. Ils ne te le montrent pas depuis le début. Ils embellissent la chose pour pouvoir par la suite te prendre dans leur filet et t'égarer. Comme on dit, c'est mettre du sirop dans le poison. Toi tu bois, au début c'est un bon goût et après l'effet est le plus néfaste encore. Car le poison il fait effet. Donc « هذا من صفات الجاهلية » Et il y a des gens, ils agissent de la sorte, même dans la religion, même dans la sunna. Quand tu les vois pour repousser la vérité, ils complotent nuit et jour et cherchent comment repousser la vérité avant de te prendre avec eux. Wali azubillah. Thumma qala fil mas'ala as-sabi'ati wa sab'in. 77e mas'ala. Iqtida'uhum biman la yasluh lil qudwa. Qu'ils prennent comme meneurs des gens qui ne conviennent pas à être des meneurs. Faqala رحمه الله تعالى أن أئمتهم إما عالم فاجر وإما عابد جاهل كما في قوله عز وجل وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما قالوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلى بعضهم لبعض قالوا وتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية وإنهم إلا يظنون. Donc que leur guide à ces gens-là, leur meneur, leur leader, soit un savant, fajir, ou soit un dévot, jahil. On avait déjà expliqué cela auparavant. L'alim fajir, celui qui n'applique pas sa science. Ou l'abid jahil, celui qui adore sa science. Il cita la parole dans le sens où il dit qu'il y avait un groupe, c'est-à-dire des gens du livre parmi eux, qui entendaient la parole d'Allah ce matin-là, puis la modifiaient, après qu'il l'ait connu et qu'ils l'ont su. Et lorsqu'il rencontrait les gens qui ont cru, il disait, nous croyons. Et lorsqu'ils se sont retrouvés entre eux, il disait, est-ce que vous allez leur raconter à ces gens-là ce que Allah subhanahu wa ta'ala vous a accordé, afin qu'ils puissent vous réfuter avec, auprès de votre Seigneur? N'avez-vous donc pas de raison? Ça veut dire, taisez-vous, ne leur dites pas la vérité. Et ne savent-ils pas que Allah sait ce qu'il cache et ce qu'il divulgue? Et parmi eux, des illettrés qui ne connaissent pas le kitab, si ce n'est des prétentions, et non que des conjectures. Donc regardez bien, ces gens-là ne sont pas aptes à les diriger, car ils ont la vérité, et ils la cachent. Et d'autres, quand même, ne connaissent que des prétentions du livre. Donc des juhal qui agissent, et des fujjar qui cachent. فقال في شرح قدوة أهل الجاهلية من اليهود والنصارى وغيرهم إما عالم فاجر وهو الذي يعمل والذي لا يعمل بعلمه مثل أخبار اليهود. Donc il est justement que les meneurs des gens de la jahiliya parmi les yahoud et les nasara et autres que eux également, soit un alim fajir, et celui qui n'applique pas sa science. Wa imma abidun jahil, soit un dévot qui applique sans science. Wal amil bi ghayri ilm. Et ce sont parmi les moines des chrétiens, comme nous l'avons déjà cité, les autres sont parmi les rabbins des gens du livre. Donc ces gens-là, quand même, sont des gens qui les égarent. Donc ne méritent pas d'être suivis, ne méritent pas d'être des meneurs. Car le meneur, c'est celui qui te conseille et qui t'appelle à la vérité avec sincérité. Ces gens-là connaissent le haq, c'est-à-dire ils modifient le sens de la vérité. Imma bi alfadhihi, en changeant ces termes, ou ma'anihi, en changeant de sens. Et ça, tout ça, on l'a déjà cité. Donc ça se répète. Mais là, la mas'ala, elle se distingue en quoi? Que ces gens-là prennent ces gens-là, quand même, et ça revient de mas'ala qu'on a pris au début, qui prennent les ulama fajara et les ubal juhal. Ça revient à la même mas'ala. Ça se répète. Ça revient de mas'ala qu'on a déjà pris au début, quand même, qui était qu'ils prenaient les savants et revenaient vers les savants fajara et les ubal juhal. ثم قال في المسألة الثامنة والسبعين لا 78 مسألة تناقضهم في محبة الله qui sont en contradiction dans leur contention de l'amour d'Allah envers Allah qui dépouvent envers Allah et ça aussi ça se ressemble aux مسألة précédentes. فقال في المتن دعواهم محبة الله مع تركهم شرعه فطالبهم الله بقوله قل إن كنتم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. Donc ils prétendent aimer Allah tout en délaissant sa législation. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il fait? Il les a réfutés en les contraignant à une réponse en disant dans le sens, si vous aimez Allah alors suivez-moi, c'est-à-dire prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. فقال في شرح من دلال اليهود ومن شابههم دعواهم محبة الله مع أنهم يخالفون أمره سبحانه وتعالى. Donc parmi les guerres des Yahoud et ceux qui leur ressemblent, qu'ils prétendent aimer Allah alors qu'ils s'opposent à son ordre subhanahu wa ta'ala. Et il dit علامة محبة الله اتباع أمره كما قال الشاعر إن المحب لمن يحب مطيع. Donc parmi les signes qui démontrent l'amour d'Allah, c'est le fait de se tenir à son ordre, d'appliquer son ordre. Comme l'a dit le poète, certes, celui qui aime obéit à celui qui l'aime. C'est un vers de poésie qui a été mis là, il n'a pas mis la suite. Donc ça, c'est également valable pour les Nasara. لأنهم اليهود نصارى قالوا كما في قول الله عز وجل نحن أبناء الله وأحباؤه. Ils ont dit quoi? Nous sommes les fils d'Allah et ses préférés. ومع هذا يخالفون شرع الله سبحانه وتعالى. Et malgré cela, ils s'opposent à son ordre. Ils prétendent être ses préférés et être ses fils. Alors comment ça se fait qu'ils s'opposent à lui? وقال تعالى قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم Il dit, oh, vous les gens du livre, vous n'êtes sur rien, vous ne valez rien, tant que vous n'appliquez pas ce qu'il y a dans l'Injil et dans la Torah. Et ce qui est dans la Torah vous amènera à appliquer le Coran. C'est la suite logique qui va avec. Donc non seulement ils n'ont pas appliqué à leur époque, alors que le livre était encore authentique, ils n'ont pas appliqué l'Injil, à part ceux qui ont cru, parmi eux, ni la Torah, et alors que dire aujourd'hui alors qu'ils l'ont modifié? Même aujourd'hui qu'ils l'ont modifié, ils ne l'appliquent pas. Même aujourd'hui, ce qu'ils ont comme Injil, qu'ils appellent l'Évangile, qui ne l'est plus, et la Torah, c'est-à-dire dans la Bible en fait, même ce qu'ils ont là actuellement, ils ne l'appliquent même pas. Ils n'ont pas appliqué auparavant alors que cela était vrai, ils n'ont pas appliqué aujourd'hui alors que cela a été altéré et modifié. Et souvent, après ils disent, nous on aime Allah. Plutôt ils disent, on aime Dieu. Adam. Donc là ils sont montés en arc et d'autres, contradictoires totalement dans ce qu'ils font. Thumma zakara, que parmi les signes qui démontrent l'amour d'Allah, c'est que tu suives son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Tu aimes le messager? Sallallahu alayhi wa sallam, tu dois le suivre. Même si c'est sa sunna. Hadha mas'ala ma'roufa, ça c'est connu. Même chez les, surtout chez les musulmans, on dit cela pour les musulmans. Il y en a plein qui disent, nous on aime le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et après on fait le maulid. Il fait son anniversaire, alors qu'il n'a jamais appelé à faire cela, et il a interdit les bid'a. Eux ils disent, on l'aime, et ils s'opposent à son ordre. Donc cela démontre que soit tu es un ignorant, tu dois apprendre, et te corriger, ou alors tu es un menteur dans ce que tu prétends. Tu ne l'aimes pas. C'est un exemple qu'on cite souvent. Demain, tu aimes quelqu'un, tu prétends aimer quelqu'un, et tu n'arrêtes pas de faire ce qu'il n'aime pas. Comment il va te prendre? Par exemple, ton père, tu dis, moi, Abi ana uhibbuk, je t'aime, ya, mon père. Wa nahtalimuk, wa ajulluk. Je te respecte grandement. Il est tayyib. Fa ifhal kaza. Assieds-toi. Et toi, tu te lèves. Il te dit, ya bunay ijlis. Oh, mon fils, assieds-toi. Et toi, tu te lèves. Kef tu hibouni? Comment tu m'aimes? Je te dis, t'as sorti, tu te lèves. Il dit, je t'aime, Abi. Alors, il dit, assieds-toi. Non, tu restes debout. Qu'est-ce qu'il va faire, ton père? Il est en colère. C'est une preuve d'amour envers lui? Sûrement pas. Tu lui désobéis. Alors, que dire du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qui est envoyé par Allah? Et sont suivis d'une adoration pour démontrer qui aime Allah. Adahu. Donc là, c'est une fardiha pour ces gens-là. Donc parmi les signes qui démontrent la véracité de celui qui aime le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'il le suit et qu'il lui obéit autant qu'il peut. Adahu. Thumma nukmil bil mas'ala at-tasi'a wa sab'in. On finit par la 79e mas'ala. Qui est irtimaduhum ala al-amani al-kadhiba, qu'il se bat sur des prétentions mensongères. Qala tamnihim al-amani al-kadhiba ka qawlihim lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'duda wa qawlihim lan yadkhula al-janna illa man kana hudan aw nasara. Que ces gens-là se basent sur des prétentions mensongères, c'est-à-dire qu'ils sont dans des rêves. Quand même ils sont dans des rêves. En disant, comme Allah dans le sens où il dit, que le feu ne touchera que des jours déterminés. Quelques jours seulement. Et là, pendant Allah dans le sens où il dit, et seuls entreront au paradis ceux qui étaient soit des Yahoud ou soit des Nansar. Tout cela des prétentions mensongères. Donc pour eux, ils sont les seuls à rentrer au paradis. Faqala fi sharh, al-Yahoud wa al-Nansar. يَعْتَمِدُونَ عَلَى الْأَمَانِ الْكَاذِبَةِ. Ces gens-là se basent sur des rêves et des prétentions. Vous voyez, qu'ils inventent sur Allah SWT. Comme dans son verset, il l'a dit. Qu'ils prétendent que le feu ne touchera que quelques jours. هَذَا بِأَيْ سَبَبْ يَأَيَمْ عِبَارَتِهِمْ لِلْعِجْلِ بِزَعْمِهِمْ. Même, ce sont les jours où ils ont adoré le veau. Donc, ils disent que pour ces gens-là, pour ces jours-là, nous allons rentrer au feu, un temps après ce sera terminé. Donc ça c'est une chose que Allah SWT a démenti. قَالَ قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدَ فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَ أَمْ تَكُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ بَلَ مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَيْكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Dit, avez-vous donc pris un engagement auprès d'Allah? Et Allah ne s'opposera pas à son engagement. Ou alors, vous dites ce sera là ce que vous ne savez pas. Mais plutôt, celui qui a commis des mauvaises actions, il en sera entouré, et ceux-là sont les gens du feu, ils seront éternellement. Et là, khati atan, il veut dire par là le kufr et le shirk. Pour pas que ce verset-là soit pris comme un faux argument par les khawarij et les takfiriyin, qui disent celui qui fait une mauvaise action, il sera au feu éternellement. On dit non. Al khatiya huna wal kufr wa shirk. Hada, comme l'ont expliqué les ulama. Et dans d'autres versets sur la fusité également, comme Allah Ta'ala, Alam tara ila alladhina utu nasiban min al-kitab yud'auna ila kitabillahi liyahkuma baynahum thumma yatawalla fariqun minhum wa hum mu'ridun dhalika bi annahum qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudat wa gharrahum fi dinihim ma kanu yaftarun. Donc Allah également dans l'autre verset il a dit quoi? N'as-tu pas vu à ceux qui ont eu une part du livre et qui y sont appelés au livre d'Allah afin qu'ils soient jugés entre eux, et une partie d'entre eux se détourne par la suite. C'est-à-dire ils ne veulent pas revenir au kitab. Et cela pourquoi? Car ils ont dit que le feu ne touchera que des jours comptés, quelques jours seulement. Vous voyez? Donc ce qu'ils ont inventé dans leur religion, ils se sont remplis d'illusions parce qu'ils ont inventé dans leur religion. Donc ces gens-là ne sont pas de prétention, ils ne se basent que sur des conjectures et des choubouhettes et des mensonges. Ça, c'est parmi les sifats des gens de la Jahiliya. Et chez des gens de l'islam, on le trouve. Qu'ils s'imaginent être que ceci ou cela interprète les versets. Et c'est aussi une chose qu'on trouve chez les Mourji'a, qui disent Allahu Ghafur Rahim. Allah, il est pardonné à miséricordieux. Il fait un tas de péchés toute la journée, délibérément. Et quand tu lui fais le rappel, il dit Allah, il va me pardonner. Ada Shabih Zalik. Ça rentre dedans. Donc aujourd'hui on a pris les masaïl qui sont qu'ils complotent durement pour pouvoir affermir le shirk et de repousser la vérité. Qu'ils ont pris comme meneurs des gens qui ne conviennent pas être des meneurs. Leur contradiction dans la prétention de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'ils se basent sur des prétentions mensongères. Hazi al masaïl ati akhazna al-yom. وفي الدرس القادم إن شاء الله في prochain cours on prendra sûrement une muraja'a et les quelques masail qui viennent jusqu'à la 80 إن شاء الله تعالى فبهذا القدر نكتفي والحمد لله رب العالمين